Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 25 novembre ? Eh bien, le 25 novembre 1832, en France, un an après la révolte des Canuts, l'écho de la fabrique écrit au sujet de leur mort, « Dormez en paix, victimes de novembre. Que la terre vous soit légère. Votre sang a fécondé le sol où doit naître l'arbre de l'émancipation des prolétaires. » L'arbre de l'émancipation des prolétaires. 1919, Espagne. Environ 25 000 ouvriers du bâtiment sont en grève à Barcelone. La fédération patronale décide le lock-out pour le 6 décembre. 1922, Italie. Mussolini acquiert les pleins pouvoirs pour un an. Une dictature fasciste de un quart de siècle commence. Mussolini acquiert les pleins pouvoirs pour un an, le 25 novembre 1922 en Italie. Une dictature fasciste d'un quart de siècle commence. Vous vous rendez compte, un quart de siècle. Quand on met le pied dans la dictature, il faut faire attention, hein. Ah oui, même du pied gauche, ça peut, parce qu'il paraît que du pied gauche, ça porte bonheur, oui. Ouais, ben, sûrement pas. La dictature, il faut surtout pas s'en approcher. Parce que, arrive à un certain moment donné, tout d'un coup, paf, on glisse, on tombe dedans. Eh oui. On croyait qu'on était encore loin du bord, eh bien non. On a glissé, on est tombé. Et voilà, 25 ans de souffrance. 1938, France. La direction de Renault décrète le lock-out touchant 28 000 ouvriers. 1973, Grèce. Suite à l'explosion populaire, le président Papadopoulos est renversé par l'armée. 1975, Portugal. Les forces militaires basculent non seulement contre le Parti communiste, mais contre l'ensemble du mouvement populaire. 1982, Vatican. Dans l'enquête sur la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, un ressortissant bulgare est arrêté. Une polémique internationale s'engage sur l'hypothèse du rôle joué par le KGB dans cet attentat. 1983, Grande-Bretagne. Grève totale dans la presse nationale. 1984, Uruguay. Élection présidentielle qui met fin au régime militaire instauré en 1973. Novembre 1497, en Afrique du Sud, un voyageur écrit, deux points, ouvrons les guillemets, ce dimanche 26 novembre, la flotte atteignit la crique, un certain nombre de Hottentots nous apparurent. Ils eurent à notre égard une attitude très amicale. Le massacre des nôtres fut sans doute dû à la vengeance des indigènes dont nous avions pris les troupeaux. » Fermons les guillemets. 1831, France, à Lyon, un nouveau groupe de Canuts se présente à l'hôtel de ville pour redire ses revendications. La manifestation est dispersée. Le maire annonce une nouvelle réunion va avoir lieu avec les fabricants en vue de réviser quelques articles du tarif au lequel a été voté avec précipitation. 1871, Italie. Naissance de Luigi Sturzo, prêtre et politicien, fondateur du Parti populaire italien et théoricien de la démocratie chrétienne. 1927, Chine. Mao Tse-tung se cache dans la montagne avec quelques irréductibles. Le comité provincial du Parti communiste de Canton accomplit une dernière folie. Il adopte une résolution en faveur de l'insurrection avec un raisonnement dont la justice sera contredite par les faits. Pour qu'une situation soit révolutionnaire, il suffit de le vouloir. La commune de Canton sera écrasée par Chiang Kai-shek. Ah oui, mais quand même, Mao est arrivé au pouvoir ensuite. 1942, Yougoslavie, à Biljak. Création du Conseil antifasciste du Mouvement de Libération Nationale de Yougoslavie, en vue de construire une société socialiste en 1942, en pleine guerre mondiale. Il y avait des gens qui avaient du courage quand même, hein, en Yougoslavie et ailleurs. Il n'y avait pas que des collabos. 1968, Canada, après une grève de 5 mois, les magasins de la régie des alcools ouvrent de nouveau leurs portes. Novembre 1095, en France, des points de départ de la colonisation franque du Moyen-Orient. Le pape Urbain II appelle à la croisade pour délivrer le Saint-Sépulcre aux mains des infidèles. Musulman veut dire croyant en arabe. Cette expédition sera l'occasion de spéculations financières et d'usures. En effet, les partants fortunés vont vendre leurs biens et les pauvres doivent emprunter pour partir. C'était beau les croisades, hein. Oh oui, la colonisation franque du Moyen-Orient. Eh oui, les francs. 1831, France, l'état-major provisoire négocie avec les représentants gouvernementaux la reddition de Lyon. Ils obtiennent en contrepartie une certaine clémence pour les canuts révoltés. 1849, France. Une fois de plus, les coalitions sont interdites. 1914, Allemagne. Les ministres de la guerre prussiens et bavarois interdisent la publication des pertes de guerre dans les journaux. Vous voyez ? Ben voilà. Bon. 1917, Russie. Une réglementation sur le contrôle ouvrier est adoptée. 1935, Brésil. Insurrection communiste à Rio de Janeiro. Elle sera réprimée. 1959, Japon. À Tokyo, 12 000 manifestants conduits par 5 000 étudiants du nouveau Zengakuren, groupe national des étudiants, envahissent la Diète pour présenter une pétition demandant la révision du traité de sécurité avec les USA. 1971, Canada. Au 12e congrès de la Fédération des travailleurs de Québec, le président Louis Laberge incite les militants à une activité politique globale. 1972, Grèce. À Athènes, 60 intellectuels publient un communiqué affirmant leur solidarité avec les étudiants. 1980, Salvador. 6 dirigeants du Front démocratique révolutionnaire sont assassinés. L'opposition va faire de leur enterrement une vaste manifestation populaire. 1981, Pologne. Le ton se durcit en plénum du parti. Le général Jaruzelski annonce que le gouvernement demande au Parlement de mettre en œuvre une procédure législative aboutissant à une suspension provisoire du droit de grève. 1981 encore, mais au Salvador, découverte d'un charnier de plusieurs centaines de squelettes dans un champ de canne à sucre. Selon des sources proches de l'Église catholique, les 4/5 des crimes politiques sont perpétrés par des commandos d'extrême droite. Ouais, voir ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du fascisme en Italie, puis en Espagne, puis au Portugal, puis en France, puis etc. En Allemagne, n'oublions pas le fascisme, le nazisme. 1981, Italie. Une délégation de scientifiques italiens présente un document signé par 817 savants au président de la République. Ils interviennent contre l'armement nucléaire qu'ils considèrent comme une course au suicide. 1983, Uruguay. À Montevideo, 300 000 personnes manifestent pour le retour à la démocratie. 1984, Chili. 12e protesta, très difficile, sous l'état de siège. Thank you. Tag en Floride à la Commune. C'était à Rambervillé. Fait divers. C'était le 28 octobre 2018. Alors le tag en question, c'est anti-islam, attentat prévu contre Macron. Une fois encore, des murs de certains bâtiments de la Commune, mais aussi les voitures ont été cibles des taggeurs. Alors il faudrait qu'on leur donne un pinceau et un pot de peinture et puis qu'on les oblige à repeindre. Alors il faut au moins deux couches pour couvrir des tags en noir sur fond blanc comme ça. Hein, et puis ensuite, qu'on les fasse travailler gratuitement pour payer la peinture, pour payer le pinceau, pour payer le temps de la personne qui sera chargée d'aller les chercher chez eux, de les amener là, de les surveiller pendant le travail, etc. Il faut qu'il y ait une réparation complète. Hein. Bah oui, les tags, tous ces trucs-là, il faut faire une réparation complète. C'est pas le tout de punir les gens. Hein. Il faut les obliger à réparer les dégâts. Belfort, justice, General Electric accusé de contrefaçon. Un huissier s'est présenté chez General Electric Belfort pour saisir des documents. Il est intervenu dans le cadre d'une saisie contrefaçon. Un gérant de société Belfortin accuse le groupe américain de plagiat. Tiens, il ferait des choses pareilles. Oh, General Electric, c'est une boîte, quoi. Eh oui, avec les règles du capitalisme, c'est la concurrence sauvage et sans entrave. Libre et sans entrave, il faut dire. Ah oui, il faut pas dire sauvage et sans entrave. Ah non, c'est méchant, si on dit comme ça. Lorraine, santé, AVC, nous sommes tous concernés. En matière d'accident vasculaire cérébral, chaque minute compte. En Lorraine, 5 à 6 000 personnes sont concernées chaque année. À l'occasion de la journée mondiale du 29 octobre, rappel de signes d'alerte et des réflexes à adopter. Mélenchon dénonce un coup monté de l'Élysée. Le coupable du coup monté est à l'Élysée. Cette fois, Jean-Luc Mélenchon accuse, sans le nommer, Emmanuel Macron d'être derrière les ennuis judiciaires de la France insoumise. J'ai compris qu'il s'agissait d'une offensive judiciaire sur ordre politique, affirme le député dans une interview à La Provence. Jean-Luc Mélenchon doit faire face aux critiques depuis sa violente altercation avec des policiers et un procureur le 16 octobre au cours des perquisitions organisées dans le cadre de deux enquêtes préliminaires sur ses comptes de campagne 2017 et sur de présumés emplois fictifs d'assistants au Parlement européen. Il a déjà été répondu surabondamment sur ce genre de questions, mais voilà. Il fallait faire un coup d'éclat de la part de Monsieur Macron pour essayer de faire oublier au public les casseroles qu'il a en train de traîner depuis un certain temps et qui font baisser sa cote de popularité qui n'était déjà pas très brillante. Voilà. Alors, François Molin arrive à la Cour de cassation. Nomination, François Molin, 65 ans, était nommé procureur général de la Cour de cassation, le plus haut poste de magistrat du parquet en France. Le magistrat a été, pour l'opinion publique, le visage de l'antiterrorisme face à la vague d'attentats perpétrés à partir de 2015. Viol conjugal, nouvelle polémique pour TPMP. Le CSA a reçu plus de 650 saisines concernant un extrait de l'émission de Cyril Hanouna sur C8, « Touche pas à mon poste ». Oui, bon, Cyril Hanouna, qu'on lui donne le droit à l'antenne, c'est une erreur grave à mon avis. Enfin, bon, voilà. Il s'agit de déculturer le peuple français, hein, tout simplement. Ouais. On doit s'évader de toutes les prisons. À 67 ans, Michel Vaujour, connu pour sa spectaculaire évasion de la prison de la Santé en 1986, est en liberté depuis 15 ans. L'ancien braqueur estime qu'il n'a pas eu besoin de se reconstruire. Il raconte que l'amour l'a sauvé. Et ben voilà, il aurait fallu qu'il commence par ça. Les seniors découvrent leur logement à Archette. Les premiers occupants de 11 logements destinés à des seniors ont été accueillis ce vendredi afin de découvrir leur nouveau cadre de vie à proximité de toutes les commodités. Les locataires sont ravis. L'impôt a prélevé à la source dès janvier. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et supprimera le décalage d'un an entre la perception de l'impôt et des revenus, pardon, et le paiement de l'impôt. Ah oui, quand même, c'était grave, sans payer les impôts avec du retard. Ben oui, l'argent nous prêtait notre propre, l'État nous prêtait notre propre argent pendant quelques mois. Chômage, une hausse qui ne tombe pas vraiment à pic. Social emploi. 16 400 demandeurs d'emploi en plus au troisième trimestre. Un mauvais résultat attendu après la faible croissance du début d'année qui n'en plombe pas moins la négociation de l'assurance chômage qui s'ouvre dans 2 semaines. Alors rappelons que le chômage, c'est la question numéro 1 de la société française. C'est la première question que se pose le peuple français. Dans sa totalité, tout le monde est concerné directement, les chômeurs et leurs familles. Et puis les commerçants aussi, les commerçants du quartier qui vendent moins parce que les chômeurs ont moins de pouvoir d'achat, donc ils achètent moins, donc les commerçants eux font moins de chiffre d'affaires. Donc 6 millions de chômeurs en France en 2018, eh bien il y a déjà eu 6 millions de chômeurs, c'était en Allemagne en 1932. Et on sait comment les Allemands ont voté en 1932, on sait aussi comment ils ont voté en 1933, et on sait qu'il s'en est suivi 12 ans de fascisme, de nazisme, et une guerre mondiale. Voilà. Alors ceux qui jouent avec le chômage, eh bien, c'est des gens très très imprudents, parce que ils jouent avec notre vie, avec la vie des chômeurs, bien sûr, avec des années de vie perdues pour les chômeurs, mais ils jouent peut-être aussi avec leur propre santé, qui sait, qui sait. Eh oui, à mettre en route la misère, eh bien, on récolte la colère. Il fallait prendre une décision, soit on confinait l'épave dans un sarcophage, soit on la renflouait. Mais en fin de compte, rien n'a jamais été décidé. S'ils avaient entrepris quelque chose, on l'aurait su. Gardez-vous l'espoir que le sous-marin soit renfloué ? J'ai abandonné tout espoir de pouvoir enterrer mon fils. Les premières années, j'y croyais vraiment et j'allais prier très souvent. Et puis un jour, j'ai arrêté. Au lendemain du naufrage du K-159, le président Poutine est en visite officielle en Italie. Vladimir Poutine convie son homologue italien Silvio Berlusconi à bord du vaisseau de guerre russe Moskva qui croise en mer Méditerranée. Le président russe promet qu'une enquête sera menée sur les circonstances de l'accident et ajoute en s'adressant aux jeunes matelots « La mer ne donne pas droit à l'erreur ». En revanche, il n'évoque aucun danger radioactif. Un informateur militaire nous fixe rendez-vous sur la place Rouge à Moscou. Par peur de perdre son emploi, il souhaite rester anonyme. Il nous fournit une vidéo exceptionnelle du K-159. Il s'agit des images recueillies par une expédition russo-britannique en 2007. Jamais aucun journaliste n'y avait eu accès auparavant. Des centaines de kilos d'uranium enrichi se trouvent toujours dans les réacteurs. Les mesures montrent que de la radioactivité émane de la coque. Il y a plus de matériel radioactif dans ce sous-marin que dans le puits de déchets nucléaires allemand de Hasse. C'est une véritable bombe à retardement. Nous poursuivons nos recherches en Russie. À Saint-Pétersbourg, nous tombons sur un rapport interne du ministère de l'Environnement russe destiné au Kremlin et qui date de 2011. Ce qu'on peut y lire est bien différent des communiqués officiels. Deux des sous-marins nucléaires ayant sombré doivent être renfloués au plus tard en 2014. Dans le cas du K-159, il est fait mention d'un risque d'une catastrophe environnementale. Nous soumettons le rapport et l'enregistrement à Wolfgang Renneberg, l'ancien directeur du département de la sécurité nucléaire du ministère fédéral de l'Environnement. Ces documents montrent qu'une catastrophe se prépare insidieusement. Plus on attendra pour renflouer ces sous-marins, plus les épaves libéreront de radioactivité et plus grand sera le danger d'une contamination nucléaire de la mer dans cette zone. Enfin, le troisième sous-marin, le K-27. Lors d'un grave incident survenu sur l'un des réacteurs, 9 marins du K-27 ont été mortellement irradiés. En 1981, la marine soviétique coule le sous-marin nucléaire dans la mer de Kara par 33 mètres de fond, en grand secret et en toute illégalité. À l'époque, le sabordage constitue déjà une atteinte au droit international. Nous sommes sur la Côte d'Azur, dans le port de Monaco, lieu de rendez-vous de toute la jet set. Sur la jetée se trouve aussi le laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous y retrouvons Hartmut Niess, l'expert allemand qui, en 1992, avait exclu la possibilité d'une pollution des zones de pêche par l'épave du Komsomolets. Il affirmait à l'époque que le danger avait été largement surévalué. Il s'est avéré depuis que le danger avait plutôt été largement sous-évalué. Hartmut Niess dirige aujourd'hui le laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA. Avec son équipe, il étudie les conséquences de la radioactivité sur la chaîne alimentaire. Ils nourrissent les poissons d'aliments contaminés et observent leur comportement. Quelle est la position de Hartmut Niess aujourd'hui? Serait-il prêt à condamner le sabordage du K-27? N'était-ce pas une erreur de couler ce sous-marin nucléaire? Il faut replacer tout ça dans son contexte. Il y avait eu un très grave accident à bord. Les personnes responsables n'ont pas tout de suite su comment réagir. Et comme il est apparu que les risques étaient très limités pour les populations avoisinantes, on a décidé de le couler. Des militants de Greenpeace tentent de s'approcher de l'épave du K-27 pour vérifier la radioactivité éventuelle de la mer à cet endroit. Ils n'y parviennent pas. Une canonnière soviétique intercepte le solo. 3 tirs de semonce retentissent. Greenpeace fait stopper les machines. Des marins de l'armée rouge montent à bord du solo. Des officiers investissent la passerelle de commandement par la force des armes. Les militants scientifiques et journalistes à bord sont temporairement placés en état d'arrestation. Épilogue de cette expédition, le solo est remorqué par un navire de guerre soviétique jusqu'au port de Mourmansk. Il faudra encore patienter plus de 20 ans pour obtenir des images de l'épave du K-27. La coque paraît étanche, mais l'enregistrement montre aussi que certaines écoutilles ont été arrachées. L'eau a-t-elle déjà pénétré dans le réacteur? Les fonctionnaires du ministère russe de l'Environnement sont contraints de reconnaître la haute probabilité d'une réaction nucléaire incontrôlable. Ce qui signifie que le K-27 présente un danger de réaction nucléaire en chaîne. La pression élevée peut faire céder la coque, qui libérerait alors de la radioactivité. Cela signifie qu'à très court terme, tout le matériel radioactif contenu dans le cœur du réacteur peut être libéré. Ce serait une véritable catastrophe. Ce serait évidemment le pire des scénarios. Quelles en seraient les conséquences? J'ai préféré ne pas encore envisager cette éventualité. Nous transmettons le rapport du ministère de l'Environnement russe à Vladimir Tchouprov, expert en matière de nucléaire auprès de Greenpeace Russie, pour qu'il l'évalue. Le rapport du ministère de l'Environnement est une véritable surprise. Nous n'en avions jamais eu connaissance et son contenu est choquant. C'est la première fois qu'on y admet la nécessité d'un renflouage. Nous présentons le rapport aux autorités compétentes à Moscou, l'Institut de sûreté nucléaire, IBRAE, de l'Académie des sciences. Nos interlocuteurs prétendent que le document est truffé d'erreurs, mais refusent de nous les indiquer. Ils nous font ensuite écouter un discours de Sergueï Antipov, directeur adjoint de l'Institut, enregistré clandestinement à Moscou en 2012. Le K-27 est une grande source d'inquiétude. Il suffirait que 5 litres d'eau pénètrent la zone active du sous-marin pour déclencher une réaction en chaîne capable d'endommager le réacteur. Antipov insiste sur la nécessité d'un renflouage immédiat. Il n'est pas possible de prévoir précisément les répercussions que tout cela aurait sur le commerce international du poisson. L'industrie de la pêche allemande est totalement désemparée. Nous exigeons davantage de surveillance et de contrôle, même en pleine mer, pour être sûr que nos poissons ne présentent aucun danger. C'est très bien de contrôler, mais c'est encore mieux de renflouer, selon le rapport du ministère de l'Environnement russe, qui ajoute que 2 des 3 sous-marins nucléaires naufragés devront être remontés d'ici 2014. Pourtant, tous les experts ne partagent pas cet avis. Il ne suffit pas d'aller récupérer tout cela au fond de l'eau. Il faut aussi savoir que faire de tout ce matériel radioactif. C'est pour cette raison que je suis favorable au statu quo. Je ne dis pas qu'il faut continuer à polluer les mers. Ce n'est évidemment pas la solution. Mais dans la situation actuelle, il est préférable de ne rien remonter. On maîtrise pourtant bien les techniques de renflouage. Celui du sous-marin nucléaire russe Kursk, qui a coulé dans la mer de Barents en 2000, en atteste. La nouvelle du naufrage n'est annoncée que 2 jours après les faits. Les secouristes plongeurs norvégiens ne sont autorisés à s'approcher de l'épave que bien trop tard. Ils ne peuvent que constater le décès des 118 marins à bord. Un nouveau sous-marin gît au fond de l'eau, mais cette fois c'est différent. La Russie fait renflouer l'épave échouée à plus de 100 mètres de profondeur. Des plongeurs y fixent des amarres d'acier. Au prix d'une technologie lourde et coûteuse, on remonte les 18 000 tonnes à la surface. C'est une première. La preuve est là. L'opération est délicate et risquée, mais réalisable. Le Kursk est arrimé sous une barge géante, le Giant Four. Avant de sombrer, il était le fleuron de la marine russe. Il n'est plus qu'un cimetière flottant. La tour de commande finira à la casse. On ne mesure aucune radioactivité anormale sur le pont du Kursk. L'enquête conclut à une défaillance survenue lors d'un exercice de torpillage. Si l'une des 2 explosions avait eu lieu à proximité immédiate des réacteurs, elle aurait provoqué une catastrophe nucléaire. Les cœurs des 2 réacteurs sont démontés pour être retraités à terre en toute sécurité. Il existe aussi des projets de renflouage du K-27 et du K-159. Nous sommes chez Vladimir Dorofeyev, directeur général de la société militaire russe Malakit. L'entreprise d'État avait soumis son projet au Kremlin dès 2004 et elle attend toujours son feu vert. L'opération coûterait 62 millions d'euros pour un seul sous-marin. Si Moscou donne son accord immédiatement, les travaux préparatoires pourraient commencer en milieu d'année prochaine. Il va nous falloir près de 18 mois pour développer notre projet et trouver les financements. Et 18 mois de plus pour la fabrication de l'outil technique. Le dispositif de renflouage ne serait pas opérationnel avant la fin 2015. L'Union européenne a le regard fixé sur l'océan Arctique. En juillet 2012, elle informe les eurodéputés. Les dangers présumés, que représentent les épaves de sous-marins atomiques et les déchets radioactifs sont connus de la Commission, qui les classifie comme inquiétants. Thank you. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de commencer la semaine avec vous et avec l'interview face caméra de Franck Lepage, informateur de l'éducation populaire connu pour ses conférences gesticulées. En seconde partie de soirée, vous pourrez visionner l'autre interview d'Assina Meshaï. Elle questionne Kamel Chaban, professeur d'histoire-géographie, contributeur du livre « Les territoires vivants de la République ». Mais tout de suite, l'actualité. La Cour des comptes conseille la vente du Stade de France. Vous savez, ce stade iconique qui accueille une finale de Coupe du Monde un certain 12 juillet 1998 et qui a vu le premier sacre mondial de l'équipe de France de football. Eh bien, ce stade, construit pour l'événement, a coûté 336 millions d'euros, mais il n'a pas de club résident. Le Parisien republique des éléments d'un pré-rapport de l'institution qui envisage la vente de l'enceinte de 80 000 places détenues par l'État au privé. En 1995, l'État a signé un contrat de concession du stade à un consortium formé par Vinci qui en détient 67% des parts et Bouygues, propriétaire à hauteur de 33%. En 2025, la concession prend fin avec l'espoir que les fédérations françaises de football et de rugby la rachètent. Emmanuel Macron est en Belgique. Le dernier président français en visite d'État chez nos voisins belges, c'était Georges Pompidou en 1971. Alors, qu'est-ce qui motive ce séjour présidentiel? Comme souvent, la promotion de notre industrie militaire. La Belgique a décidé d'acheter des avions de chasse américains, des F-35 et non français. De quoi grincer des dents dans l'Hexagone, mais Bruxelles pourrait être vite pardonnée et acheter plus de 400 blindés français pour près de 1,5 milliard d'euros. Et puis c'est l'occasion pour Emmanuel Macron de se chercher des alliés européens avant les élections européennes du 26 mai, dans l'objectif de former un nouveau groupe politique au Parlement. Les candidats de La République En Marche et de La France Insoumise sont au second tour des élections législatives partielles d'Evry. Qui, de Francis Choix ou de Farida Amrani, sera élu député de l'Essonne dimanche? Qui remplacera le démissionnaire Manuel Valls? Francis Choix est pour l'instant le mieux placé. Celui qui était le bras droit de l'ancien Premier ministre et maire d'Evry depuis 2012 obtient 29,9% des voix devant Farida Amrani de la France Insoumise qui fait 17,82%. Je rappelle qu'en 2017, lors des élections législatives, la candidate FI n'avait été distancée que de 139 voix. Mais le grand vainqueur de ce scrutin, c'est l'abstention. Seulement 18,08% des inscrits se sont déplacés. Et pendant ce temps, Manuel Valls est en campagne pour les municipales de Barcelone et dernier dans les sondages. Ce week-end, les Gilets jaunes se sont mobilisés dans tout le pays. Ils ont bloqué des axes de circulation, mené de nombreuses actions pour protester contre les conditions de vie qui se dégradent. Ce qu'on appelle le pouvoir d'achat qui diminue. En réalité, il s'agit toujours du même scénario. Pendant qu'on supprime l'ISF, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, les ouvriers et les ouvrières triment pour vivre et faire marcher l'économie, pendant que ceux et celles qui détiennent les moyens de production ramassent les profits. Bref, toujours la même histoire, celle de la lutte des classes. Les Gilets jaunes ne sont pas hors de cette histoire, ils sont en plein dedans et ils sont même aujourd'hui les acteurs principaux. Alors pourquoi, comment, qui sont-ils, quelles sont les revendications? Serge Faubert était samedi à la manifestation des Gilets jaunes à Paris, de 10h à 22h, il les a suivis, regardez. Combien étaient-ils? Plus que le millier annoncé par la préfecture de police, c'est certain. Peut-être 3000, 4000, peu importe. Il s'agissait surtout d'occuper les Champs-Élysées, cette galerie marchande à ciel ouvert pour touristes fortunés, et d'y faire le maximum de bruit. Des barricades symboliques sous le regard d'un service d'ordre qui avait visiblement reçu des consignes de modération. La volonté de se réapproprier un espace où ils ne sont jamais invités. Des femmes, beaucoup, et toute la diversité du peuple français, comme un peu partout dans le pays, autour des centaines de ronds-points bloqués. Tous les gouvernements ne nous écoutent pas, nous les gardiennes d'immeubles. Je travaille 50 heures, j'ai une résidence de 12 bâtiments, 200 logements. Je peux vous dire que je ne m'ennuie pas toute la journée. Je ne m'assois que le soir. Voilà, pour gagner ça, au bout de 30 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes venu. Pardon ? C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui ? Oui, tout à fait. J'ai hésité et je me suis dit j'y vais. Certes, j'arrive à la retraite, mais pour les autres gardiennes, peut-être que ça va bouger. Voilà, je ne sais pas. Merci. Je suis là pour le milieu hospitalier. Le milieu hospitalier, les infirmières en colère, les médecins en colère. Vous êtes les retraités en colère, les jeunes en colère. Démission, Macron, démission, démission. Tout avait commencé le matin, porte maillot. Pas de chef, mais des leaders improvisés. Alors soit on va réveiller les riches à Neuilly, soit on va vers le périph, on fait un petit sitting. Est-ce qu'on est tous là pour le diesel? C'est ça la question. Parce qu'on n'est pas là pour dire qu'on n'est pas content tout simplement avec la politique qui est menée. Voilà, je pense que ça va beaucoup plus loin que le diesel. Et on est concerné parce que CSG, parce que diesel, parce que tout un tas de trucs. À votre avis, quand on augmente le diesel, on augmente le prix du pain par effet d'échelle. Hein. On augmente toute la vie, hein. C'est tout le système. Il n'y a pas que le diesel. Le diesel, c'est sûr qu'il faudra l'arrêter un jour, mais pas brutalement comme ça. Imaginez la personne qui a un vieux diesel, une cuve à mazout, et qui est à la retraite. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ben, il va rien. Il va plus pouvoir vivre, tout simplement. Et toujours la colère du désespoir au cœur. C'est un ensemble de ras-le-bol, de payer tout le temps en permanence, et de nous avoir ponctionné sur notre retraite. Voilà. Nous, ça... On n'en peut plus, quoi. Vous avez perdu combien sur votre retraite? À l'année, tous les deux, on perd plus de 400 euros. C'est énorme. Sans compter que les mutuelles vont augmenter, sans compter que tout ce qu'on nous met, on nous rajoute par-dessus. Voilà, quoi. Il ne faut pas oublier que nos enfants, ils n'y arrivent plus, nos enfants. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec 1200 balles? C'est invivable. Une succession de tentatives pour forcer le barrage des CRS. Objectif, les Champs-Élysées. On n'est pas violent. On veut juste passer. Je lève les mains. Laissez-nous. S'il vous plaît. On vous demande pas. Des poussées énergiques, entrecoupées d'apostrophes aux forces de l'ordre. Ils sont peur de la vie. Mais ils ont des bouches à nourrir, on peut le comprendre. Mais juste, vous avez une conscience, vous êtes des êtres humains. Non, la manifestation n'est pas illégale. On va bloquer la rue. Monsieur, on va bloquer la rue. On bloque là. On la bloque. On va la bloquer là. Monsieur, on va. On ne vit pas, on survit, monsieur. Et au bout d'un moment, on en a marre des taxes. La taxe du carburant, ça a été le feu aux poudres. Mais il y a plein de choses, en fait, qu'on ne supporte plus. Et moi, je travaille, mon mari, il travaille, j'ai deux enfants. Venez m'expliquer pourquoi le 15 du mois, j'arrive plus à nourrir mes enfants. Venez m'expliquer. Ben non, que Emmanuel Macron vient de m'expliquer. Et je vous jure, monsieur, qu'on fait pas d'excès, on fait rien. On est surtaxé. La France, c'est pas la France d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on vivait bien. Maintenant, un banquier à la tête de la France, on se fait bouffer. Et maintenant, ça suffit. Et les citoyens, ils sont dans la rue. Quand il me reste 300 euros par mois pour vivre avec mes deux filles, non, je m'en sens pas bien, monsieur. Je peux vous assurer. Je suis venu aujourd'hui parce que ras-le-bol de ce qui est gouvernement et taxes, que ce soit droite, gauche, centre. Toujours la même chose, les taxes à droite, à gauche, ils enlèvent un truc pour en rajouter un truc. C'est un ras-le-bol fiscal, donc on n'en peut plus, quoi. Bah, je suis artisan, donc je suis à mon compte. Et malgré, j'aimerais bien embaucher quelqu'un, mais avec les charges, c'est impossible. Et puis j'aimerais bien que les Français puissent faire travailler les artisans, mais comme les Français n'ont pas assez de pouvoir d'achat, c'est difficile pour nous de trouver du travail. Moi, j'arrive à en trouver, mais pas suffisamment pour pouvoir embaucher quelqu'un. Enfin, en début d'après-midi, après avoir vainement tenté de marcher vers l'Élysée, les Gilets jaunes parvenaient à investir les Champs-Élysées, du jamais vu depuis bien longtemps, avant une dispersion dans le calme. Quelques irréductibles ont bien tenté de jouer au chat et à la souris près de la place de la Concorde, avant de rentrer à leur tour. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, il est important de souligner que ce mouvement est tout sauf parisien, même si là, en l'occurrence, il s'agissait d'un événement à Paris. Localement, il reflète ceux et celles qui luttent, la diversité des territoires, des rapports de force politiques, différents selon les zones. On peut comparer difficilement les gilets jaunes de Nice à ceux de La Réunion, des Parisiens aux Savoyards ou des gilets jaunes de Martigues. À La Réunion, la mobilisation reprend les habituels mots d'ordre contre la vie chère et aboutit sur des émeutes, des affrontements contre la police un peu partout dans l'île. Les routes sont bloquées, il y a 25 points de barrage, plus d'une dizaine de communes ont décidé de fermer les écoles, de même que les stations-service. Alors bref, ce mouvement est tout sauf homogène. Et toi Serge, qui y étais, tu es bien placé pour nous parler de sa diversité. C'est la France des invisibles qui est descendue dans la rue, celle qui peine à boucler ses fins de mois, celle qui survit au jour le jour. C'est ce peuple dont les socialistes avaient décrété en 2012 qu'il était désormais acquis au vote lepéniste et qu'il convenait de l'abandonner à son triste sort, de lui préférer les combats sociétaux. Orphelin de toute représentation syndicale à force de vivre en lisière du salariat et des métropoles, ces laissés pour compte ont expérimenté samedi un sentiment nouveau. Celui d'être une force collective. Pour des milliers et des milliers de gilets jaunes, cette journée a été celle de la fraternité retrouvée, de la solidarité, de la dignité. Bien sûr, il y avait des racistes dans le lot, des homophobes, des sexistes et des cons. Mais qui peut prétendre réduire ce mouvement à ses pulsions? Qui? La caste, sans doute, qui n'a que mépris pour ceux qu'elle appelle les bofs. Éditocrates, technomacronistes et gauchistes de salon convergent curieusement dans ce même mépris de classe. Des gens qui veulent vivre décemment. Vous n'y pensez pas, mon bon monsieur. Plus grave est l'incapacité du mouvement syndical à avoir su repérer en amont cette colère et à lui offrir un cadre d'expression. Radar mal réglé et logiciel obsolète. Il est urgent de faire la mise à jour. Surtout lorsque les réseaux sociaux parviennent à réunir davantage de monde qu'un appel de toutes les directions syndicales. Comment évoluera cette mobilisation? Aura-t-elle un lendemain? De quel côté penchera-t-elle? Oui, le Rassemblement national lui fait du clin de l'œil. À la gauche sociale, à la gauche républicaine, de lui proposer un chemin, une alternative, un espoir, d'être avec le peuple, d'être le peuple. Sénégalais, les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, autant béni des colonies. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles. Les tirailleurs sénégalais, mais pas seulement en réalité, parce que eux venaient effectivement d'Afrique noire, l'AOF, l'AEF, oui. L'Afrique occidentale française, mais il y en a d'autres qui sont venus de tous les continents. Ah oui, de partout, effectivement, du monde entier. Et dès l'année 1914, l'Empire colonial français, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, était le deuxième au monde après l'Angleterre. Et si vous voulez, la France, c'est 550 000 km². L'Empire colonial en 1914, c'est 10 millions de km². Donc c'est 20 fois la superficie de la France. C'est dire si ça va en Afrique noire, vous venez de le rappeler, parce que sous l'appellation de tirailleurs sénégalais, on avait des Soudanais, des gens qui venaient du Dahomey, un pays qui a changé de nom depuis, la Côte d'Ivoire, enfin voilà, de Guinée. Tous ces pays-là avaient offert leurs hommes, on était allé les chercher, et le ministère des colonies n'existe que depuis 1894, c'est-à-dire 20 ans avant le début du premier conflit mondial. Il y avait les tirailleurs algériens. Ah oui, les Gouniers. Les Tabors marocains. Les Tabors marocains, absolument, les Spahis. Il y avait, alors, c'est vrai que l'Afrique a donné énormément, hein, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, mais on a aussi des gens qui viennent, évidemment, de notre département actuel, Martinique, Guadeloupe, de La Réunion, évidemment, mais aussi de Tahiti. Tahiti, mais aussi de Nouvelle-Calédonie. On traverse la planète pour venir se battre ici sous les couleurs de la France et sous les couleurs de drapeaux français sur le territoire français, dans les tranchées. C'est une abomination. On fait venir aussi évidemment des Indochinois. On fait venir des Chinois qui vont venir pour travailler, car on a besoin, en fait, pour être clair, on a besoin de combattants et on a besoin de gens qui travaillent, qui vont entrer dans les usines, qui vont travailler la terre pendant que les paysans sont partis au combat. On regarde des images et on va voir effectivement tous ces cavaliers, tous ces goumiers, tous ces tirailleurs, ces Sénégalais qui là, on les voit dans le sud de la France, là, près de la Méditerranée. Et évidemment, l'armée française, j'ai envie de dire, n'est pas prête à recevoir tous ces hommes. Il va falloir des ordres venus non seulement du gouvernement, mais aussi de ce ministère des colonies, pour expliquer qu'il faut faire attention au niveau nourriture. Par exemple, il y a des interdits alimentaires pour les combattants musulmans. Eh bien, on va en tenir compte. On va tenir compte aussi des règles d'inhumation. Lorsque les soldats meurent au front, là encore, il faut respecter la façon dont on enterre les musulmans, la façon dont on enterre les bouddhistes, et ainsi de suite. Donc, tout cela va modifier, évidemment, aussi, à l'intérieur d'une même armée, d'un même bataillon, il va falloir s'adapter. On va aller chercher aussi des Indiens. Des Indiens qui viennent d'Inde, des 5 fameux comptoirs indiens que nous possédons, Yanaon, Mahé, Karikal, Pondichéry, Chandernagore, eh bien, on va faire venir ces Indiens. On va donc les rassembler à Marseille ou à Arles. C'est là que vont être installés les principaux ports d'attache, si je puis dire. C'est là que les hommes vont débarquer sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, avec des températures effroyables pour eux, évidemment. Et puis, on va les former et partir vers le front. Les Indiens vont justement partir avec les Britanniques. Ils vont être associés aux Britanniques. On ne va pas créer un bataillon spécial en ce qui concerne l'armée française. Et voilà des travailleurs indochinois, des travailleurs chinois qui fabriquent des caisses pour pouvoir y installer les munitions, faire partir les munitions vers le front. C'est dire si nombre de ces travailleurs vont rester après, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et beaucoup vont travailler dans des conditions pénibles, effroyables, pour essayer de, comment dirais-je, que toutes ces plaies disparaissent, hein, parce qu'on va, là on est à Douaumont, là, le fameux ossuaire de Douaumont, et on vient de voir, il y a un monument spécifique pour les combattants musulmans qui a été. Ça veut dire que les corps n'ont évidemment pas été rapatriés là-bas, non. Parce que trop compliqué, tout parce que fait. Trop loin, etc. Et déjà très difficile de leur donner une sépulture. Donc les familles, si elles ont voulu à l'époque se recueillir devant les tombes, il fallait venir là. Absolument, il fallait venir là. Alors on faisait au mieux pour les tourner vers la Mecque, en ce qui concerne les musulmans, par exemple, enfin, etc. Ça a été, il y a eu un travail de fait malgré la guerre, malgré les difficultés de la guerre. Et ces travailleurs, je le disais, ont essayé après de nettoyer un petit peu ces plaies, c'est-à-dire reboucher les tranchées, par exemple. Travail extrêmement pénible à faire. Ça, faudra un jour qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se promène en France, on ne voit pratiquement plus de tranchées, ouais. Sauf dans les lieux de combat dur. Mais, et pour cause, le temps a passé, mais surtout, ça a été rebouché. Et puis, on a déterré les corps pour leur donner une sépulture digne de ce nom. On a aussi déterré des armes. Enfin, voilà, c'était un travail très pénible fait par tous ces travailleurs venus du monde entier pour répondre à l'appel de la France. Merci Frédéric. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civilos. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Il m'a déjà traîné par les cheveux de mon garage dans l'ancienne maison jusqu'à la maison. J'avais tout le haut dénudé. Il aimait bien m'attraper par la nuque, par la gorge. Et il me tirait souvent les cheveux, il me faisait tomber les escaliers. Quand il était vraiment en colère et que je me débattais, Il m'a amené jusque la porte d'entrée quand je disais que je voulais partir et il m'a arraché mes vêtements pour me jeter nue dans la rue. Ou une fois, il m'a déjà traîné par les cheveux de mon garage dans l'ancienne maison jusqu'à la maison. J'avais tout le haut dénudé. Ce jour-là, il m'a laissé, après m'avoir étranglé pendant plusieurs minutes, il m'a laissé sur le sol, j'ai suffoqué. Et j'avais vraiment mal et j'ai été voir un médecin et il m'a dit qu'il fallait porter plainte. Je suis allée au bureau de police pour voir ce que je pouvais faire pour que ça s'arrête. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai des preuves et que je pouvais déposer une main courante contre X. Je suis allée là-bas, la dame qui m'a reçue au bureau de police, elle m'a dit qu'il fallait pas que je porte plainte par jalousie parce que c'était un ex et qu'il s'était remis avec son épouse. De mon côté, je suis pas arrivée en disant « Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai été violée, j'ai été séquestrée, il m'a battue. » Parce que je leur faisais pas confiance, parce qu'il y avait 15 personnes des fois derrière moi qui écoutaient, parce qu'il faut dire haut et fort son identité, il n'y a aucune confidentialité. Et j'avais honte de dire ce qui m'était arrivé, honte que ce soit arrivé à moi, honte d'être encore là-dedans, de ne pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là. « l'espace public ou privé, des millions de femmes dans le monde souffrent de violence. Elle est physique, sexuelle et psychologique. Une femme sur trois dans le monde en est victime. Selon les agences de l'ONU, une femme sur deux tuée dans le monde l'a été des suites de violences perpétrées par un partenaire ou un proche. Pour les hommes, la proportion est de 1 homme sur 20. Les lois contre la violence conjugale sont présentes dans 2/3 des pays seulement. Seuls 52 pays considèrent le viol conjugal comme un crime. Cette pratique touche 2,6 milliards de femmes dans les pays où elle n'est pas criminalisée. Pour qu'il y ait une vie conjugale, il faut un mariage. Elles sont 700 millions à le subir avant l'âge de 18 ans. 4 500 000 parmi les 21 millions de victimes de travail forcé sont aussi victimes d'exploitation sexuelle. 133 millions de filles et de femmes subissent des mutilations génitales dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais la violence ne concerne pas que ces régions du monde. 45 à 55% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel depuis l'âge de 15 ans au sein de l'Union européenne. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens d'apercevoir vos réformes budgétaires, anti-égalitaires, c'est un coup d'assommoir. Monsieur le Président, passez la marche arrière, on ne se laissera pas faire, c'est un avertissement. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je rejoins la CGT. Depuis que je suis né, j'ai vu reculer la retraite. J'ai vu gonfler la dette et tout privatiser. La sécu a souffert, vous préparez sa tombe. C'est sur nous que retombent vos politiques austères. On ne peut pas supporter d'aller aux funérailles du code du travail. Nous allons résister. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je passerai mon temps sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je chanterai aux gens. Refusez d'obéir, refusez la misère, remuez ciel et terre pour bâtir votre avenir. Nous sommes les artisans d'une lutte noble et juste. On ne baissera pas le buste devant les 1%. Si vous nous poursuivez, méfiez-vous de vos gendarmes. Sous l'armure, il y a une âme. Leur cible pourrait changer. Leur cible pourrait changer. Leur objectif, c'est d'aller crier leur colère sous les fenêtres d'Emmanuel Macron. Depuis ce matin, ici sur les Champs-Élysées, on entend Macron démission. Macron rend l'argent. C'est un groupe de 400 gilets jaunes maintenant qui sont en bas des Champs-Élysées. Ils sont partis du rond-point de l'Étoile dans une espèce de, dans une sorte de course en dépassant pendant un instant les forces de sécurité pourtant déployées en nombre ici sur les Champs-Élysées. Les CRS qui sont petit à petit en train de séparer ces gilets jaunes en groupe et tenter de rouvrir de nouveau à la circulation les Champs-Élysées. Mais ces gilets jaunes, ils sont éparpillés un petit peu partout. Il suffit de les mettre sur un trottoir pour qu'ensuite ils avancent un petit peu plus loin et retraversent de nouveau les Champs-Élysées, ce qui est extrêmement compliqué pour eux comme situation pour maintenir la sécurité de ces Champs-Élysées. Alors tout se passe ici dans une ambiance très très bon enfant. Il n'y a pas eu d'affrontement avec les CRS, pas de jet de projectiles, pas de tension particulière ni d'usage de gaz lacrymogène, ce qui permet de dire que eh bien, les CRS finalement ont toujours eu le contrôle en quelque sorte de la situation. En tout cas pour le moment eh bien, les Champs-Élysées sont toujours bloqués et ces gilets jaunes entendent bien garder ces Champs-Élysées bloqués ici tout l'après-midi. Sur un site de stockage de déchets à environ 50 km de Bordeaux. Des déchets ultimes, non dangereux, pas valorisables à ce jour. 95 hectares d'exploitation et des déchets peu visibles, mais bien présents. Une fois recouverts de terre, ils se décomposent et créent du gaz, un gaz qui vaut de l'or. Ici, on voit le réseau de tuyauterie hein, qui est posé sur le casier, qui récupère le biogaz qui est donc aspiré en centrale et donc on a des vannes de réglage, d'équilibrage du réseau qui nous permettent de contrôler donc l'aspiration de ce biogaz. Le gaz est acheminé jusqu'à cette usine. Il alimente des moteurs qui produisent de l'électricité vendue à EDF. Mais depuis peu, l'exploitant a trouvé une autre source de revenus. La nouveauté, c'est que nous récupérons donc la chaleur issue de ces moteurs, à la fois des cheminées, des fumées de ces moteurs, mais aussi des circuits de refroidissement, pour récupérer l'énergie thermique issue de ces moteurs. Cette chaleur produite est appelée énergie fatale. Plutôt que de l'évacuer dans l'atmosphère, l'énergie est récupérée et envoyée dans un réseau de chaleur d'un kilomètre pour, au final, être vendue à un producteur de tomates sous serre. 40 000 mètres carrés, une production intensive, 2700 tonnes par an, une monoculture en hydroponie. Mais surtout, d'énormes besoins énergétiques pour maintenir la température à une vingtaine de degrés. Nous sommes en présence ici d'un réseau basse température. Vous avez un aller ici en haut et un retour ici en bas. Il y a de l'eau qui circule à maximum 50 degrés. Ça permet de chauffer nos fruits pour essayer de garder une belle qualité et pour aider la maturité quand il en sera temps. Avec une solution de chauffage au gaz, la note atteindrait 500 000 euros par an. Ici, c'est 7 fois moins cher, ce qui permet aujourd'hui d'être plus compétitif face à la concurrence des pays voisins. Le fait d'avoir cette énergie moins chère que la normale nous permet de descendre à peu près de 20% notre prix de revient d'un kilo de tomate qui est environ de 80 à 85 centimes du kilo. Et nous avons la concurrence des fois qui arrive entre 60 et 65 centimes. Ainsi, 2000 tonnes d'émissions de CO2 sont évitées chaque année. Une deuxième serre équivalente devrait vite voir le jour. Le réseau de chaleur, lui, pourrait être amorti au bout d'une dizaine d'années. Même principe à Montpellier. L'usine Améthyste, qui traite les déchets en cœur de ville, dispose d'un méthaniseur. Même schéma, le gaz des déchets va permettre de produire de l'électricité et donc aussi de la chaleur. On a donc trois moteurs de cogénération d'1,2 MW de puissance. La chaleur fatale de ces moteurs de cogénération va être captée par un premier circuit de circulation d'eau chaude interne à Améthyste. Et puis, qui est en boucle avec un second circuit, qui est un réseau d'amenée de chaleur sur tout un écoquartier, qui est situé à peu près à 500 mètres de là, entièrement neuf. Aujourd'hui, Améthyste alimente en chaleur, eau chaude sanitaire et chauffage, 1600 logements. Et aussi une clinique de 17 000 mètres carrés. Ici, les avantages d'un réseau de chaleur sont d'abord techniques. Donc le réseau de distribution dans le parking et dans les postes de livraison. Vous avez un tube aller, un tube retour. Ça prend pas beaucoup de place pour une puissance de plus d'un méga 5 qui permet zéro entretien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz, pas de fuel. Vous avez que de l'eau chaude qui circule et qui, en fait, c'est une vanne de voie qui vient réguler en fonction des besoins. Soit elle s'ouvre, soit elle se ferme en fonction de la température retour. C'est très simple. La récupération de cette énergie fatale permet de réduire l'impact carbone de 2000 tonnes par an. Une aubaine pour le climat et aussi pour les habitants. C'est d'abord un confort avec une garantie de distribution de chaleur. Mais c'est aussi et surtout une énergie renouvelable à très bon marché, puisqu'actuellement, en valeur toute taxe, nous sommes de 15 à 20% moins cher que le gaz naturel. Aujourd'hui, les réseaux de chaleur sont surtout alimentés par des unités de valorisation énergétique, où les déchets sont incinérés. Dans cette usine, 500 000 tonnes de déchets sont brûlées chaque année. On y produit de l'électricité, mais surtout de la chaleur. Elle alimente 100 000 logements. Une source d'énergie importante, encore mal exploitée en France. Il y a énormément d'incinérateurs qui n'ont pas de réseau de chaleur. Il y a beaucoup de villes qui n'ont pas de réseau de chaleur. Pas de réseau de chaleur, pas de valorisation de l'énergie fatale. Pourtant, le potentiel est énorme. À horizon 2030, on considère qu'on peut mobiliser à peu près 10 TWh supplémentaires de chaleur. 10 TWh pour les incinérateurs et aussi 11 TWh pour les méthaniseurs, soit environ l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires. Encore faut-il construire des réseaux de chaleur. L'investissement est lourd et parfois difficile, surtout dans les quartiers déjà existants où le potentiel est justement le plus important. installer un réseau de canalisation enterré, c'est quand même plus simple quand les voiries ne sont pas encore réalisées. Cependant, aujourd'hui, avec la loi de transition énergétique, ça va être notre objectif fixé par la métropole de Montpellier, c'est d'étendre ou de créer de nouveaux réseaux de chaleur dans des quartiers existants pour apporter ce même service. C'est plus compliqué, mais l'État aussi va nous y aider, notamment avec l'ADEME, en subventionnant ces projets. Le développement des réseaux de chaleur alimentés essentiellement par de l'énergie fatale ou renouvelable dépendra donc des subventions, mais pas seulement. Il dépendra aussi du prix des énergies fossiles. Les réseaux de chaleur renouvelables, forcément, seront plus compétitifs si le prix de l'énergie est fort et moins compétitifs s'il est faible. Et comme on ne maîtrise pas le marché de l'énergie, la seule manière de le rendre un petit peu plus, contraignant du point de vue des prix, c'est la contribution climat-énergie. Donc il faut poursuivre l'augmentation de la contribution climat-énergie. Et nous, notre proposition, c'est d'utiliser cette recette de contribution climat-énergie, 1,4 milliard d'euros cette année en plus, aux collectivités locales, donc d'affecter cette recette aux collectivités territoriales pour mettre en œuvre les plans climat, parce que sinon, ils ne seront pas mis en œuvre. L'objectif à atteindre est ambitieux. La loi prévoit de multiplier par 5 les énergies renouvelables et de récupération mobilisées par les réseaux de chaleur d'ici 2030. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couché sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Ils étaient là, trois à l'attendre, trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre comme un oiseau tombe du nid. Comme un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Quand on l'a soulevée de terre, comme une grande fleur coupée, sa robe blanche et la lumière, on aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois, la source. Et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Salut les amis, c'est Adrien depuis Lille où nous commençons une nouvelle semaine politique après un week-end qui a été extrêmement chargé, mais aussi extrêmement enthousiasmant avec la bonne nouvelle de la qualification au second tour de l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne de notre candidate de la France Insoumise, Farida Amrani. Pour rappel, dans cette élection, il s'agit de remplacer Manuel Valls, le député démissionnaire, qui a choisi d'aller faire campagne à Barcelone pour devenir maire, alors qu'il y a sur place une maire que nous saluons, qui est une amie, Ada Colau de Podemos. Et donc Manuel Valls espère briguer un mandat à la mairie de Barcelone. Nous tenons donc l'occasion de lui régler par deux fois son compte, là-bas à Barcelone, avec nos amis de Podemos, et ici en France, dans la première circonscription de l'Essonne, avec la France Insoumise, puisque face à Farida Amrani, au second tour, se trouve le mauvais avatar de Manuel Valls, Monsieur Choix, qui est son successeur désigné. Alors d'abord, il faut dire un grand bravo, et j'adresse un salut aux militantes, aux militants qui ont contribué à cette réussite, aux équipes de Farida Amrani et Ulysse Rabaté, nos candidats, qui ont réussi à se qualifier au second tour de l'élection dans un contexte particulièrement difficile. D'abord parce qu'une élection partielle, donc c'est vrai, beaucoup d'abstention, et aussi un contexte d'adversité très forte où il y avait une ambiance tout sauf la France insoumise face à nos candidats. Maintenant qu'ils sont qualifiés au second tour, il est de la responsabilité de chacun d'envoyer un message politique très clair la semaine prochaine. Parce que dites-vous bien qu'une élection législative partielle, dans le contexte politique que l'on connaît, où la Macronie est en difficulté, eh bien ça va envoyer un message politique qui dépasse largement le territoire de cette circonscription. En face de Farida Amrani, il y a un candidat, M. Choix, qui en réalité, s'il était élu à l'Assemblée nationale, eh bien porterait la parole du macronisme et voterait en cadence avec le groupe parlementaire de La République En Marche, qui est déjà extrêmement nombreux. Donc nous disons qu'il n'y a absolument aucune utilité pour les électeurs de cette circonscription de l'Essonne à disposer d'un député supplémentaire à l'Assemblée qui serait sur les bancs de la majorité. Non, il n'y a pas de plus-value à avoir ce député au sein de l'Assemblée nationale, alors que nous savons qu'il y aurait une grande utilité à avoir une députée insoumise de plus à l'Assemblée en la personne de Farida Amrani. Je vous le dis tout de suite, il est clair que Farida honorerait la fonction de députée à l'Assemblée nationale et serait très utile dans l'opposition humaniste et écologiste à Emmanuel Macron que nous avons amené particulièrement dans le contexte politique que l'on connaît actuellement. Donc désormais, il nous reste une semaine. Je sais que beaucoup se sont déjà donnés avec sans compter pour réussir cette qualification au second tour. Mais c'est maintenant qu'il faut véritablement tout donner jusqu'au bout, car il n'y a plus qu'une semaine. Une semaine, et il y a fort à penser que le contexte va être tout aussi difficile, que tous les coups vont être permis, puisqu'il faut quand même se rappeler du contexte d'il y a un peu plus d'un an, un an et demi, parce que initialement au mois de juin 2017, lors de l'élection législative nationale, Farida Amrani était déjà notre candidate de la France Insoumise sur cette circonscription. Et face à Manuel Valls, elle avait manqué l'élection à 139 voix seulement. Et sur ces 139 voix, il y en a environ 66, je crois, qui ont été qualifiées d'irrégulières, notamment par des signatures plus exactement, qui étaient a priori irrégulières. Donc la victoire dans la première circonscription de l'Essonne est à portée de main. Mais nous avons face à nous des gens qui souvent sont prêts à tout. Donc il faut se tenir prêt et il faut y envoyer tout le monde. J'appelle solennellement les insoumises, les insoumis qui auraient la possibilité cette semaine de proposer leur renfort aux équipes militantes de la première circonscription de l'Essonne sans réfléchir à y aller, à s'y rendre, à aider au porte-à-porte, puisque déjà 5000 portes ont été ouvertes par nos équipes militantes lors du premier tour et il y a eu énormément d'abstention malgré tout. Donc il y a vraiment besoin de mobiliser les gens, d'aller leur dire vous avez une occasion historique d'élire une 18e députée de la France Insoumise à l'Assemblée et d'envoyer un message politique à travers tout le pays. Et beaucoup de Françaises, beaucoup de Français voudraient être à votre place à cette heure pour pouvoir envoyer cette claque à Emmanuel Macron et lui dire ce que nous pensons de sa politique et avoir quelqu'un qui contre-propose face à cette majorité. Tous les efforts sont à déployer dans cette bataille. Sur les réseaux sociaux, si vous avez des amis, de la famille qui habitent sur place, ou si vous pouvez vous y déplacer pour aider nos équipes, allez-y. Il faut impérativement que dimanche prochain, nous puissions fêter la victoire de Farida Amrani et son entrée à l'Assemblée nationale sur les bancs de la France Insoumise. Dimanche 25 novembre, tous nos regards seront tournés vers la première circonscription de l'Essonne pour envoyer Farida Amrani, 18e députée de la France Insoumise, à l'Assemblée nationale. Ce week-end a également été marqué par la mobilisation inédite des Gilets jaunes, samedi 17 novembre. Une mobilisation inédite d'abord dans sa forme, puisqu'il s'agit d'une auto-organisation populaire de citoyennes, de citoyens qui voulant exprimer un ras-le-bol ont choisi cette forme particulière d'organisation pour le faire. Et ça a échappé complètement à toute forme d'organisation traditionnelle, politique ou syndicale. Néanmoins, nous saluons ces mobilisations parce qu'elles sont légitimes, elles expriment une colère populaire sur le pouvoir d'achat, sur le deux poids deux mesures fiscales et l'injustice finalement que poursuit Emmanuel Macron en développant une politique budgétaire qui favorise toujours les plus riches, notamment par la suppression de l'ISF, et dans le même temps, en faisant en sorte que la CSG augmente pour les retraités, que les APL diminuent, que les complémentaires santé augmentent, que le tarif de l'énergie augmente également, bref, qu'il y ait un trop-plein au niveau du pouvoir d'achat. C'est ça qui s'est exprimé dans les mobilisations de ce samedi, et c'est d'abord et avant tout ce ras-le-bol sur le pouvoir d'achat qui s'est exprimé. Certains se sont laissés aller à dire que ces mobilisations étaient finalement des manifestations de soutien au lobby pétrolier. C'est-à-dire qu'il faudrait entendre que toutes celles et ceux qui ont manifesté avec leurs gilets jaunes ce week-end seraient des apprentis pollueurs ou des pollueurs en puissance qui voudraient en plus polluer à pas cher. C'est absolument irresponsable de le dire, puisque ce n'est pas le cas. J'étais pour ma part samedi aux côtés des gilets jaunes mobilisés ici à Lille lors de la manifestation de samedi, et j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. J'étais sans signe distinctif parce que j'avais bien noté que celles et ceux qui avaient initié cette mobilisation avaient dénoncé les premiers la tentative de récupération politique de l'extrême droite. Donc il s'agissait pour moi et mes amis d'y aller sans se distinguer. Donc nous étions comme tout le monde avec le gilet jaune. Quels ont été les slogans que nous avons pu entendre dans la manifestation ? Macron démission, on l'a beaucoup entendu. Macron rend le pognon. Macron rend l'ISF d'abord. Des mots d'ordre très clairs, limpides sur la question du pouvoir d'achat dans notre pays. Et clairement, la plupart d'entre eux avec qui j'ai pu discuter me disaient « Mais nous, bien sûr que nous sommes soucieux du changement climatique et nous voulons que nous puissions agir sur cette question-là. Mais en quoi taxer unilatéralement les carburants auprès de personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture individuelle ? C'est-à-dire qu'on ne leur offre pas, par exemple, les transports en commun gratuits. On ne leur offre pas véritablement d'alternative. En quoi c'est une politique écologiste ? Assurément, ça ne l'est pas. Et nous vous avons dit qu'à la France Insoumise, nous sommes pour la sortie du diesel, nous sommes pour une planification écologique et nous sommes persuadés que nous ne pourrons pas faire l'écologie dans l'injustice fiscale que poursuit Emmanuel Macron. Voilà ce qui s'est exprimé ce samedi avec la mobilisation des Gilets jaunes. Alors bien sûr, cette forme auto-organisée produit cet effet que les mobilisations sont un peu différentes à certains endroits, mais ce fut massif. Et on déplore quelques problèmes, notamment un certain nombre de blessés, également un décès. Et nous profitons de l'occasion d'ailleurs pour adresser nos condoléances à la famille, aux proches de la personne qui a perdu la vie à cette occasion. Bien sûr qu'il faut que le ras-le-bol s'exprime, qu'il s'exprime fortement, qu'il s'exprime massivement, mais qu'il s'exprime dans le bon ordre, puisque c'est aussi la garantie d'un rapport de force favorable et d'un pouvoir qui ne pourra pas dénoncer la forme d'organisation en disant que ça met la pagaille ou le désordre. Donc bravo à toutes celles et ceux qui ont participé à des mobilisations bien organisées, même s'ils l'ont auto-organisée. Et vous avez vu que ça n'est pas terminé, puisque là, on est quelques jours après, on est lundi, et les blocages se poursuivent, ça et là, dans le pays. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes appellent à une nouvelle journée de mobilisation avec une convergence appelée sur Paris, notamment ce samedi. C'est la colère populaire qui s'exprime et c'est une majorité du peuple français qui la soutient. Il faut l'entendre, elle est légitime et nous avons besoin d'une écologie populaire, pas d'une écologie réservée à celles et ceux qui auraient les moyens. Et donc, c'est ce deux poids, deux mesures qui est dénoncé par les Gilets jaunes et qu'il s'agit de soutenir. Et nous allons continuer à le faire en étant soucieux, bien sûr, de ne pas faire de récupération politique, mais de formuler des propositions. Parce que c'est notre rôle de responsable politique de formuler à Emmanuel Macron des propositions pour sortir de la crise. Monsieur Macron, offrez les transports en commun gratuits, financez-le, financez véritablement une transition écologique. Les Français ont compris que votre affaire d'augmentation des taxes sur les carburants ne servait pas la transition écologique, puisque seuls 19 à 20% des recettes supplémentaires des taxes sur le carburant vont être allouées à la transition écologique. Par conséquent, les Français ont bien compris, quand ils n'ont pas le choix de prendre leur voiture, en remplissant leur réservoir de carburant, en réalité, ils servent votre politique budgétaire qui vise à distribuer aux plus riches. Ça n'est pas tenable. Transport en commun gratuit, renoncer à l'ouverture à la concurrence de la SNCF et développer le ferroviaire en zone rurale, permettre des modes de transport doux et éviter que les gens soient obligés de prendre leur voiture individuelle. Et pour ça, il faut une planification globale. Et nous avons les moyens de le faire. Voilà ce qu'il s'agit de dire et de faire à cet instant. Donc on regarde tout ça avec beaucoup d'attention. Et bien évidemment, dans les jours et les semaines à venir, cela va continuer. Je dois dire par ailleurs qu'il y a eu quelques incidents autour de ces mobilisations. Et je voudrais vous informer d'une chose que vous n'avez pas su. C'est que parmi les quelques dizaines seulement d'interpellations qu'il y a eu pendant ces mobilisations des Gilets jaunes, ici à Lille, il y en a eu 6. Et parmi ces 6, il y en a 5 qui sont des militants, des jeunes militants de la France Insoumise, lesquels se sont rendus en soutien aux mobilisations sur l'autoroute A1. Et d'ailleurs, ils nous ont envoyé des messages samedi matin pour nous dire qu'ils allaient retrouver la mobilisation sur l'A1. Et ils ont été pris à partie parce qu'ils ont été reconnus comme militants politiques de la France insoumise. Et ils ont été interpellés, mais seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une trentaine d'interpellations de gens qui auraient fait le blocage. Il y a eu spécifiquement les 5 militants de la France insoumise. Et puis une autre personne qu'ils ne connaissaient pas, qui lui avait commis l'erreur de jeter un projectile sur les forces de l'ordre et qui a donc été interpellé de manière assez musclée. Mais les 5 autres n'avaient rien fait d'autre que de participer à cette mobilisation comme plein d'autres. Et ils ont été interpellés clairement parce qu'ils étaient membres de la France insoumise. D'ailleurs, il semblerait que l'un de celles et ceux qui les ont interpellés ont dit « cette fois, vous n'y échapperez pas » parce qu'ils étaient reconnus comme militants politiques. Si l'interpellation avait été globale de 20-30 personnes pour ce blocage, alors peut-être on aurait compris, on se serait dit effectivement qu'est-ce qui s'est passé, nos amis normalement ne sont pas du tout les organisateurs, ils ont plutôt suivi le mouvement. Mais là non, c'était 5 interpellations de militants politiques de la France insoumise, reconnus comme tels, qui ont passé une demi-journée en garde à vue après les auditions qui sont finalement sorties. Bref, on voit bien un peu... aussi parfois la manière dont les militants politiques sont mis en cause dans ce genre de mobilisation, ce qui n'est bien sûr pas acceptable, surtout quand ce sont des militants politiques non violents, parce qu'il faut le dire, à la France insoumise, nous sommes des militants politiques non violents, et nous pensons que l'action politique, même quand c'est des mobilisations sociales, ce qui participe aussi de l'action démocratique de notre pays, doit se faire dans le respect, voilà, de quelques règles, et nos militants les respectent évidemment. Ce week-end était donc chargé, je le disais, puisque nous avons aussi tenu à Épinay-sur-Seine les premières rencontres nationales des quartiers populaires, un événement proposé par la France insoumise, notamment à l'initiative de mon ami et collègue Éric Coquerel, qui a permis de voir converger plus de 800 personnes à Épinay, issues des quartiers populaires de toute la France, pour poser une première pierre, qui consiste à dire pour nous, en tant que force politique, que nous ne nous résignons pas à une situation intolérable de relégation des quartiers populaires en périphérie des villes qui ferait qu'ils n'auraient plus voix au chapitre. Dans ces quartiers populaires où vivent environ 10 millions de nos concitoyens, toutes les difficultés que connaît notre pays sont concentrées. Discrimination multiple, difficultés d'accès à l'emploi, aux services publics qui disparaissent et donc des gens qui bien souvent n'ont plus voix au chapitre. Eh bien ça n'est pas tolérable. Vous avez des forces politiques qui ont théorisé le fait qu'il ne fallait plus user d'énergie à aller dans ces quartiers parce que les gens ne votent pas. Mais nous disons une chose, nous comprenons que quand vous avez, comme cela nous a été rapporté ce week-end dans de nombreux témoignages, votre toit qui menace de tomber sur votre tête, pas de chauffage pour vous chauffer l'hiver, pas d'eau chaude, alors comment voulez-vous entendre un discours politique? Ça n'est pas possible. Donc d'abord, il y a des urgences à traiter et il faut qu'on puisse aider à le faire, à faire en sorte que partout où c'est possible, l'État soit à la hauteur de ses responsabilités. Que les bailleurs sociaux fassent leur travail de rénovation, de travaux quand c'est nécessaire. Et nous disons aussi une chose, c'est que si nous avons besoin de tout changer, par les arguments, par les bulletins de vote, de proposer des solutions concrètes que nous avons à formuler pour ces quartiers populaires, notamment en matière de logement, en matière d'accès à l'emploi, de non-discrimination, il faut aussi favoriser partout où c'est possible, quand c'est possible, les processus d'auto-organisation populaire. Nous allons essayer dans ces quartiers, d'aider la population à faire respecter ses droits et à faire en sorte que celles et ceux qui ont des responsabilités, notamment l'État, les assument. Et quand ça n'est pas le cas, eh bien nous allons aider les processus d'auto-organisation qui font que les gens passent eux-mêmes à l'action. Qui consiste à dire, si l'État ne fait pas son travail, si les organismes qui doivent faire leur travail ne le font pas, alors nous aiderons les populations à le faire eux-mêmes, de manière à montrer qu'il y a une urgence dans ces quartiers. Bref, c'est un travail de fourmi qui n'est en aucun cas un travail électoral, puisque l'essentiel est de dire qu'il n'est pas possible qu'une frange importante de la population française soit reléguée à l'extérieur de la vie politique. Voilà ce que nous avons voulu dire à Épinay, voilà ce que nous voulons commencer. C'est un travail de longue haleine et il faut que toutes les militantes et tous les militants de la France insoumise, et même au-delà, y prennent part avec nous. Voilà ce que nous avons commencé à Épinay. C'est bien sûr une première pierre posée qu'en appelle d'autres et qu'appelle un travail de fond dans la durée. Voilà donc une actualité chargée une nouvelle fois. Bonne semaine à toutes et à tous. Si vous avez apprécié ce petit point politique, comme d'habitude, encouragez-nous avec les petits pouces bleus en bas de la vidéo. Et puis abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait monter la chaîne et ça nous encourage à continuer et à mettre aussi tout le contenu que vous avez l'habitude de retrouver, de mes interventions à l'Assemblée, des passages dans les médias, pour faire circuler les arguments. Allez, au travail. Le 7-9. Charline Vanhoenacker, ce soir Nicolas Hulot sera l'invité de l'émission politique sur France 2. Oui, et ça donne des titres de presse comme « Hulot brise le silence ». Waouh ! Mais attendez les gars, le type il est parti il y a même pas 3 mois. À l'échelle de l'évolution de la planète, c'est rien. Et pourtant, oh là là là, bah le suspect, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire pour son comeback devant Léa Salamé? Je sais pas moi, qui revient peut-être au gouvernement. Il y a une grosse attente pour ce soir, alors pas autant que le mois prochain, quand on fera pareil avec Gérard Collomb, brise le silence. Mais Hulot qui s'est retiré 3 mois, ça va, il sort juste d'un gros break. Hein. C'est toujours moins polluant qu'un 4x4. Alors sinon, rappelez-vous quand Nicolas Hulot a démissionné. Oui, Nicolas Demorand, forcément, vous vous en rappelez, oui, vous. Oui, oui. Il espérait déclencher une prise de conscience des Français en faveur de la planète. Bon, alors pour le moment, les Français se mobilisent pour sauver leur voiture. Mais après ce soir, promis, ils s'occuperont de la planète. D'après quelques indiscrétions, Nicolas Hulot ne va pas dauber sur le gouvernement. Le gouvernement actuel, c'est comme une entreprise. Quand tu démissionnes, tu signes une clause de non-concurrence. Mais tout de même, à la place de Macron, je serais plus stressée que devant un PSGOM. Il y a des chances que ce soir, on retrouve le président roulé en boule au pied du canapé. Et c'est Nemo qui va prendre sa place. Et ce soir, c'est le chien qui va boulotter les cordons bleus, là, c'est certain. Pour Macron, ce retour, c'est la galère. Hulot, c'est la personnalité préférée des Français. Vous savez bien, il suffit de démissionner du gouvernement pour que les gens vous adorent. Ah non, attendez. Ah bah non, sinon il y aurait François Bayrou dans le classement. Excusez-moi. Pour la séquence de l'invité mystère, je me demande ce qu'ils vont lui préparer. On a tellement de choix entre les grands industriels qui polluent pour venir le contredire. Bon, déjà, il y a peu de chances que ce soit Carlos Ghosn. Hein. Et pour le débat en face à face, bah, franchement, tu fais une pause médiatique de 3 mois, tu reviens. Si c'est pour te retrouver en face de Finkielkraut, là c'est violent. Hein. On risque de reperdre Hulot après ça. Et France 2, on vous le prête 2 heures, mais pas plus. Hein. Mais Hulot, il venait juste de reprendre goût à la vie. Il était retourné à l'état sauvage, quelque part dans les bois. C'est déjà très courageux vu le nombre de chasseurs en activité. Pendant 3 mois, il s'est reconnecté avec la nature et il a construit un petit radeau qu'il a taillé avec son opinel. En vrai, un proche dit de lui que depuis tout ce temps, il bouge, il vit, mais il réfléchit aussi. Et du coup, c'est vrai que le contraste est saisissant avec François de Rugy. Hein. Charline Vanhoenacker, merci. l'instant, je ne suis jamais plein personnellement. Je vis bien. Et mon souhait personnellement, c'est si je pourrais avoir une table et une chaise. Mais autrement, je vis ma vie naturelle, heureux. Des personnes en grande précarité vivent à la marge de la société française. Pour s'en apercevoir, il suffit de se rendre dans l'une des nombreuses soupes populaires. Là aussi, le profil des personnes dans le besoin a changé. Dans le nord-est parisien, l'association humanitaire L'un et l'autre distribue 600 repas par service, trois fois par semaine, à ceux qui en ont besoin. Parmi eux, on ne trouve pas que des réfugiés, des chômeurs ou des sans-abri. Il y a aussi beaucoup de retraités et quelques travailleurs, dont une proportion toujours croissante de femmes, qui n'ont plus les moyens de se payer un repas quotidien. Bonjour. Majid Benhari aimerait rapidement s'en sortir seul. Il rêve de pouvoir enfin trouver un logement dans ses moyens. Cela fait 4 mois qu'il vit dans ce centre d'hébergement d'urgence. Même si la péniche lui procure un toit, il aimerait en partir au plus vite. Pour le moment, une seule solution, trouver un logement social. Une travailleuse sociale l'accompagne dans ses démarches. Bonjour Monsieur Benhari, allez-y. Majid a réuni tous les papiers qui vont lui permettre de déposer enfin une demande. Ses 3 derniers bulletins de salaire, ainsi que son avis d'imposition. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ma foi, bien. Ça va ? Oui, ça se passe bien. J'espère que je trouverai une résidence sociale justement qui acceptera mes enfants. Je sais que j'en demande trop parce que déjà je sors d'ici, donc ils vont sûrement me proposer de me dire que la première est la meilleure pour l'instant et pour le reste, je me contenterai de patienter. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose qui me permet de, pas d'accueillir, mais de vivre avec mes enfants. Il devra s'armer de patience. Les listes d'attente sont longues et la procédure peut durer 6 à 9 mois, voire plus. Le chemin du retour vers la normalité est un véritable parcours du combattant. C'est un moment décisif pour Majid. Juste au bord. Je continuerai à être patient, comme je l'ai toujours fait. Et que, de toute façon, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont plus en précarité que moi. Donc, dire que je me contente. Pas de soucis. Merci beaucoup, Madame Brave. Je vous souhaite une bonne journée. De même, et bon courage. Merci. Merci. Une grande partie du rôle des travailleurs sociaux, c'est ce qu'on appelle malheureusement le rappel à la réalité. C'est pas très joli, mais c'est lorsque les personnes veulent tout de suite ou mieux que ce qu'ils peuvent espérer. On est obligé de leur rappeler quelle est la réalité actuelle des dispositifs d'hébergement, de logement, du logement privé à Paris. Pour Majid, trouver un logement dans le parc privé, c'est pratiquement mission impossible. Il nous propose de l'accompagner visiter un appartement, ou plutôt, comme l'indique l'annonce, une chambre de 10 mètres carrés avec toilettes séparées pour un loyer de 500 euros par mois. Cet appartement, je pense pas que ça soit, on va dire, requis pour moi ou pour mon futur avec mes enfants. Donc, mais j'y vais quand même essayer d'aller voir, au moins qu'il y ait la preuve visuelle qu'il y a des chambres et qu'il faut chercher pour trouver. En guise de logement, c'est plutôt une chambre de bonne. Il y en aurait 7000 dans Paris. Ces micro-logements sont souvent loués en toute illégalité, y compris dans les arrondissements chics de la capitale. Pour y accéder, il faut d'abord grimper un escalier en colimaçon jusqu'au 7e étage. Majid n'est pas seul à visiter la chambre, mais l'espace est si étroit qu'il faut se relayer pour entrer. L'espace est exigu, sous les combles, pour la modique somme de 50 euros du mètre carré. C'était sale, la plomberie vétuste, plus de 10 ans. Le matelas, l'impression qu'on est en prison. La liberté de se déplacer dans la maison, il n'y a rien. C'est-à-dire, vraiment que tu es coincé, quoi. Bon, disons, après que tu le prennes et que tu l'équipes, T'as pas d'endroit précis où te poser exactement. Tu n'as aucun mouvement. Et même pour une telle chambre, Majid n'a aucune chance de voir son dossier accepté. Il est sans abri, et lorsqu'on n'a pas de logement, un garant est impératif pour espérer en obtenir un. Bon, je pense qu'il va me demander plus que ce que je n'ai pas, parce que moi, bon, j'ai la base, c'est-à-dire l'emploi et les fiches de paye, mais c'est vrai que sans garant, je ne peux pas en tirer grand-chose. Voilà. Mais je pense que normalement, on y a le droit. Enfin, j'y ai le droit, mais c'est vraiment le garant, quoi. C'est un problème. Parfois, Majid retourne sur les lieux où il n'y a pas encore si longtemps, il passait encore ses nuits, pour se rappeler qu'il ne veut plus jamais revivre ça. C'est ici qu'il vient, à la porte de cette église, pour méditer sur sa vie et sur son avenir. Je passais ma majorité de mon temps, c'est plus de nuit, quoi. La journée je bouge beaucoup, mais la nuit c'est là, ces escaliers. Voilà. Je passais des nuits, quelquefois pas dormir, quelquefois. Mais cet endroit-là, exactement ici, quand il pleuvait, je me réfugiais un peu ici. Voilà quoi. C'est un bon endroit quoi. Et malgré que j'avais d'autres endroits où y aller, mais j'avais une préférence pour ici quoi. Je me retrouvais bien ici. Le prêtre de la paroisse le laissait dormir ici la nuit. Et en hiver, lorsqu'il avait trop froid, Majid allait se réfugier dans le hall des immeubles voisins. C'est un moment que j'ai essayé d'oublier. Parce que bon, c'est un moment où j'étais beaucoup en dépression. J'étais un peu trop isolé, enfermé en moi-même. Un peu dégoûté de la vie et tout. Mais bon, cet endroit-là, il est neutre. À l'époque, il se sentait rejeté de tous. Il avait le sentiment de ne plus avoir sa place dans ce monde. Franchement, tu penses pas à mourir, mais... Tu vois la mort, faut pas se voiler la face. Tu vois la mort quand tu es dans des conditions la nuit vers 3h du matin. Et que tu vois les gens en face en train de vivre, en train de regarder leur télé, en train de manger à leur faim, et qui me voient comme un animal, et qu'il n'y en a pas un qui ose ne serait-ce que descendre et avoir de la compassion. Moi, je reste invisible, je reste un fantôme, et je reste un incompris. Dès la nuit tombée, les sans-abri cherchent dans les rues commerçantes un endroit sec où dormir. Chaque jour, environ 1500 personnes appellent le SAMU social au 115 dans l'espoir de trouver un lit pour la nuit. Malheureusement, peu de demandes aboutissent, faute de places suffisantes dans les centres d'hébergement d'urgence. Parmi les sans-abri, beaucoup restent invisibles. Ceux-là même qui ont un emploi et se refusent à mendier. On trouve parmi eux des femmes et des mères célibataires qui ont besoin d'une assistance rapide. Ce foyer pour femmes leur offre un refuge. Elles sont 25 à vivre ici. Toutes ont été victimes de violences ou d'abus sexuels de la part de leur conjoint, jusqu'au jour où elles ont osé prendre la fuite. Il s'arrête, non, le transport ? Certaines acceptent de parler et de nous raconter comment, après avoir été contraintes de faire leur valise dans l'urgence, elles se sont cachées dans des cages d'escalier et des entrées d'immeubles. Donc c'est difficile à s'organiser avec son enfant aussi, financer. Zakia Belaïdi vient d'Algérie. Elle travaillait là-bas lorsqu'elle a rencontré son mari, un Parisien. Pourquoi tu ne fais pas autre chose ? J'ai eu une proposition en mariage. On s'est aimé. Je suis venue. J'ai suivi mon mari et puis malheureusement c'était retourné en cauchemar et voilà, c'est du jour au lendemain je me suis retrouvée dehors. J'étais à gauche à droite, c'était très dur pour moi, c'était C'est pas facile de parler de son passé. C'est tellement... Cela fait plus d'un an qu'elle vit dans ce foyer. Peu à peu, elle se reconstruit au contact des autres femmes qu'elle y côtoie. Issues de toutes les couches sociales, certaines sont universitaires, d'autres infirmières en gériatrie ou encore serveuses. Elles travaillent, sont indépendantes financièrement et ont toutes connu un destin semblable. Je ne sais pas comment des femmes aussi belles, aussi intelligentes, aussi rayonnantes ont pu se retrouver dans des conditions pareilles. C'est vrai qu'on vit dans une grande ville, on croise des gens qui vont mal, on les voit pas parce qu'on a pas le temps, ou je sais pas, ou on est pressé, ou c'est trop. Mais quand elles sont là, en fait, là on les voit et on se dit zut, comment on a pu laisser faire ça? Vivre en sécurité est une étape fondamentale pour prendre un nouveau départ. C'est pourquoi l'adresse du foyer est tenue secrète. Les femmes peuvent séjourner ici 2 ans. Ensuite, il leur faut à nouveau voler de leurs propres ailes, être suffisamment fortes et surtout indépendantes pour ne plus jamais avoir à retourner dans la rue. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, c'était la dernière chose qu'on pense arriver à n'importe qui. Mais et voilà, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe quelle femme, je le redis, ouais. Majid Benhari aussi veut s'en sortir. Mais la vie dans la rue l'a marqué au fer rouge. Sa famille, mais aussi ses amis, lui ont tourné le dos. On va dire invisible et visible en même temps. Invisible dans le sens où on ne pense pas à moi, et visible dans le sens où ma figure n'aspire pas, on va dire, la tranquillité. Majid tient à ne pas avoir l'air d'un sans-abri et à ne pas se laisser aller. Il s'attache à conserver un semblant de vie normale. Lorsqu'il est attablé dans ce café, il a le sentiment d'être comme n'importe quel Français, d'avoir un logement, une famille et un emploi. Il se sent presque comme tout le monde. Ça me permet de ne pas me retrouver isolé, c'est important. Comme il y a toujours du mouvement, les gens parlent, les gens rigolent, les gens... T'as bien vu, ils sont joyeux, donc voilà, ça me change les idées en quelque sorte. Majid ne croit pas que l'élection présidentielle aura un quelconque impact sur sa situation. Bien au contraire. Bien sûr, il y en a, regarde, je travaille, tu vois. Depuis les attentats terroristes de Paris, il a l'impression que les choses sont de plus en plus difficiles pour lui et les autres Français d'origine marocaine. On n'a pas déjà une vie stable, alors on nous rajoute avec ça l'amalgame, on nous rajoute avec ça toute cette folie là que les gens cachent au fond d'eux et qu'ils expriment seulement devant nous, et qu'on devient limite étranger de ce pays alors qu'on y est né, on y travaille, on y vit, on vit en communauté avec des Français, des Juifs, des musulmans et tout, voilà. Donc ça fait mal au cœur de voir qu'une minorité essaie de nous séparer. Pour Majid, faire partie de ce monde, de cette ville, reste pour l'heure une illusion. Alors il vit surtout dans la nostalgie de temps plus heureux quand il venait jouer avec ses enfants ici, à Montmartre. Et de temps en temps, c'est bizarre à dire, mais j'ai un tic. C'est que je lève ma tête en sursaut, à l'impression qu'ils sont là en train de faire des tours de manège, et que je dois surveiller qu'ils ne tombent pas ou quoi. Mais en fait, après, je reviens à la réalité. Et c'est carrément une catastrophe, quoi. Le ciel me tombe sur la tête, quoi, en quelque sorte. Du haut des marches qui mènent au Sacré-Cœur, Majid Benhari peut contempler Paris. Mais pour se faire une idée de l'image qu'il se fait de la ville, il faut regarder ses dessins. On y décèle une jungle poussiéreuse. Pour autant, l'espoir ne l'a pas quitté. Il sait ce qu'il veut. Que mon avenir se stabilise, que mes enfants se rapprochent et qu'on évite de me faire des reproches.

Le temps de la colère, les femmes, ne